la plaine de Termina. Le chemin était bloqué par un rocher que j'ai explosé. Là je fis la connaissance d'une fille de sa petite sœur. Elle gardait leur ferme qui produisait le lait du ranch Romani. La petite sœur avait le même nom que le ranch. Elle savait bien tirer à l'arc qui crevait des ballons. Elle et moi, on a bastonné des voleurs extraterrestres. Et pour me remercier, elle me donna une bouteille de l'Héromani. C'était un ranch avec des poulets, des crèmes, un pumpkin cake et l'Héromani. Y'avait mon cheval, des poussins, des ballons et même des aliens. Accompagner Crémia pour une livraison de lait. Mais on s'est fait attaquer par les frères gourmands. Mais je les ai repoussés à coups de flèche. J'ai pu sauver le lait. Oh oh oh oh, du ranch Romani. C'était un ranch avec des poulets, des crêpes, un pumpkin, des grenades Romani. Y'avait mon cheval, des poussins, des caisses, des ballons, et même des aliens. Oh, oh, oh, oh, ranch Romani. Ranch Romani. Ranch Romani.